Pod Québec est fier de s'associer avec ce podcast. Vous cherchez des balados québécoises? Pod Québec vous offre un choix de plus de 100 podcasts québécois. De plus, vous pourrez écouter la radio Pod Québec Live, une radio 100% podcast, 100% québécoise. Sur ce, bonne écoute. Jean Doyon et Régent Charbonneau. C'est la filière progressive. Le rock. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la filière progressive. Jean Doyon avec vous. Et ce soir, ensemble, on va entendre une heure de rock progressif actuel avec Régent Charbonneau. Salut tout le monde. Le monteur de ligne. Non, le directeur, j'ai trouvé un titre, Régent. Ah oui, bon. Directeur artistique des programmes. Wow. Hein? Non, mais là, tu vas arrêter de chercher. Y a-t-il une augmentation de salaire qui vient avec ça? J'aimerais bien ça, mais Alors, Régent, ce soir, on a au programme quelque chose de Point Genetic Material de l'Allemagne. Ghost de la Suède. Pineapple Thief de la Grande-Bretagne. Et Kid Harlequin. PB, Régent, qu'est-ce que Pays-Bas. C'est? Pays-Bas, oui, désolé. Alors, on va débuter ce soir avec Poor Genetic Material. Oui, c'est une formation qui nous vient de l'Allemagne, comme tu disais tantôt. Et puis, eux autres, ils nous présentent un progressif atmosphérique et mélancolique avec de multiples influences empruntées autant à Pink Floyd qu'à Genesis ou Camel. Ils ont 9 albums à leur actif depuis le début des années 2000. Et puis, leur toute dernière nouveauté a pour titre Absence. Et puis, justement, on en écoute la pièce Absence Part 1. Voici donc Poor Genetic Material à la filière progressive. Thank you. Vous écoutez La Filière Progressive. Régent, il y a quelque temps, un beau soir, j'ai pitonné sur YouTube et je me suis retrouvé en France dans les spectacles de Hellfest que notre ami Réveillé nous parle souvent. Et j'ai découvert, enfin un autre, et puis à un moment donné, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Ghost. Dès le départ, j'ai pas détesté, j'ai été accroché par une toune. Et là, bon, ça arrive sur scène, ce groupe-là. Masqué. Oui, tout déguisé, effectivement. Hein? Anonyme. Mais là, ça, je le savais pas tout de suite. Ouais. Et là, j'écoute le stock, mon gars, c'était bon. J'ai dit, ben voyons donc, ça sent d'où? C'était la première fois que je voyais ce band-là, Ghost, un band suédois, mais ils sont complètement anonymes. Il y en a un le chanteur, là, semble-t-il, qui s'appellerait en principe Tobias Forg. Bon, mais encore là, pour nous, c'est un inconnu, mais en Suède. Et là, bon, c'est des... C'est un band en principe satanique, là, on le sait, là, dans les pays scandinaves, bon, on est très poussé sur le satanisme, etc., blablabla, là, je m'éterniserai pas là-dessus. Sauf que c'est un groupe, je pourrais dire, mystérieux. Ouais, mais c'est un groupe rock, solide. C'est malheureux parce qu'on peut pas vraiment identifier le talent de ces gars-là, tu sais, je veux dire. Ouais. Sauf que moi, j'aime bien le chanteur, de la façon qu'il se déplace sur scène. Sa mimique aussi. Un bon animateur de foule. Je trouve qu'il est comme un chapeau de pape, hein, son déguisement. Et ça s'appelle, là. D'ailleurs, le chanteur incarne un pape sataniste. Exact. Appelé Papa Emeritus. Bon, ça, oui, ça va-tu loin dans ton éducation? Ouais. Alors, mais honnêtement, ils ont trois albums. Ça a été, ils ont été lancés en 2008, bien sûr, en Suède. Trois albums à leur compteur. Et puis, on va en entendre quelques extraits. Moi, je pense que c'est leurs trois meilleures chansons là qu'ils ont. Régent, surtout, c'est qu'ils sont venus au Métropolis, ici au Québec, là, il y a une semaine ou deux, et c'était plein. Alors moi, j'en reviens pas. Des fois, on découvre un band, on se dit, mon Dieu, je suis tout seul au monde à connaître ça. Pas du tout. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de monde qui sont là. Et puis, en plus, ben, ils viennent et il y a plein de monde qui remplit peut-être la salle de spectacle. Alors, dans la catégorie l'étonnement de la semaine, Régent, là, je te comprends quand tu m'arrives avec une découverte, puis tu dis, mais où étais-je dans les 10 dernières années de c'est cette... Ça. Alors, ce qu'on va entendre, c'est le groupe Ghost et les pièces Year Zero, Square Hammer et Montrance Clock. Voici donc Ghost à la filière progressive. Asmodeus, Satanas, Lucifer. Thank you. was my father for absent. It's our first time seeing you last night. Ghost is one of my favorite bands, and I love them. I've been listening to it nonstop. I can't wait for the next tour. Écoutez la filière progressive. Troisième partie de l'émission de ce soir. Eh bien, on poursuit avec le groupe britannique The Pineapple Thief. Oui, qui en fait n'ont plus besoin de présentation. Hein. On en fait jouer assez régulièrement. Et puis, cette fois-ci, je pense que ça fait déjà plusieurs pièces de leur tout dernier album, qui, selon moi, est de loin leur meilleur avis. Alors, l'album a pour titre Your Wilderness et on en entend la pièce The Final Thing on Your Mind. And fend for yourself. Hi, my name's Bruce Sword from The Pineapple Thief, and you're listening to La Filière Progressive. We'll be right back. How did I let you get so far from me? We got it so wrong, so wrong. How did we let it get this cold? Vous écoutez La Filière Progressive. Dernière partie de l'émission de ce soir. On y va avec un groupe des Pays-Bas, Kid Harlequin. Oui, c'est une nouvelle formation néerlandaise dont le premier album est sorti en 2014 et qui réplique cette année avec Itch, un album solide de rock énergique et entraînant. Et puis, à noter, entre autres, la présence vocale de Marcella Bovio sur la deuxième pièce qu'on va faire jouer, la pièce Loud. Alors, on écoute justement de Kid Harlequin la pièce Itch, suivie de Best of Me. Et pour terminer, la pièce où figure Marcella Bovio au vocal, Hounds. Parlant de Marcella, on se souvient que le band Stream of Passion a cessé ses activités, donc elle devient agent libre. Oui. Se promène un peu partout, c'est intéressant. Oui, puis dans deux semaines, je vais te dire qu'on va entendre justement son album solo, il est déjà sorti. C'est vrai. Alors on en fait jouer là d'ici une semaine ou deux, alors ça n'a pas manqué. Mais en attendant, Kid Harlequin à la filière progressive. Forever and never. until our feet gave up. Ben, ce qu'on vient d'entendre, c'était du Kid Harlequin des Pays-Bas, Itch, et une pièce qui s'appelle Best of Me et Hounds, tirée de l'album Itch. Juste avant, on avait de Pineapple Thief, on avait Ghost également, Poor Genetic Material, qui complétait l'émission de ce soir, Régent. Alors, encore une fois, ben, on a eu du plaisir avec un choix musical varié. Oui, tu parlais de découverte tantôt, hein? Ben, j'en ai toute une pour la semaine prochaine. Nouvelle formation du nom de Kairos. Merci, Régent. Au plaisir. Jean Doyon et Régent Charbonneau pour la filière progressive. Ce soir, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, bye-bye.